السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمرحبا بالأحباء في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه لقول الحق والصواب، وأن يجعل من السامعين آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يجعل الجميع من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Donc bienvenue à nos frères et nos sœurs bien-aimés dans cette rencontre bénie pour laquelle nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la réussite avec la parole vraie et juste, et qu'il donne aux auditeurs une écoute attentive et un cœur conscient, et qu'il nous rende tous parmi ceux qui ont entendu la parole et qui ont suivi ce qu'elle contient de meilleur. Donc j'aimerais remercier nos frères du Merkez Al-Furqan à Bruxelles en Belgique d'avoir organisé cette rencontre afin qu'on se rappelle ensemble Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, le titre de cette rencontre sera Al-Hub fillah wa l'Ihtisam bihablihi, l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se cramponner à son hable. Et ici, Al-Habl fait référence au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit wa'tasimu bihablillahi jami'a, et accrochez-vous tous ensemble, ou cramponnez-vous tous ensemble au hable d'Allah. Al-Habl est souvent traduit par le câble ou la corde. En arabe, une corde ou un câble, on l'appelle Al-Habl. Mais si nous retournons dans les tafasir, on voit qu'ici le sens de Habl est tout autre. Comme l'a dit Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dans son tafsir, Al-Habl as-sababu alladhi yatawassalu bihi ila al-bughya wa summiya al-iman hablan li'annahu sababun yatawassalu bihi ila zawal al-khawf. Il dit Al-Baghawi rahimahullah ta'ala que le Habl correspond à la cause par laquelle l'objectif sera atteint. Ainsi la foi est appelée Habl, car elle est une cause avec laquelle la peur disparaît. وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ هَهُنَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعْنَاهُ تَمَسَّكُوا بِدِينِ اللَّهِ. Et les savants divergèrent sur la signification de Habl dans ce verset. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a dit c'est le fait de s'accrocher à la religion d'Allah. Wa qala ibn Mas'ud radiallahu anhu huwa al-jama'a wa qala alaykum bil jama'a fa innaha hablullah alladhi amara Allah bih wa inna ma takrahuna fil jama'a wat ta'a khayrun mimma tuhibbuna fil furqah. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit Al-Habl c'est le groupe, et il a dit radiallahu anhu accrochez-vous au groupe, car certes il est le Habl d'Allah Azza wa Jal dont Allah a ordonné, Et certes, ce que vous détestez dans le groupe et l'obéissance est meilleur que ce que vous aimez dans la division. وقال مجاهد وعطاء رحمهم الله بعهد الله وقال قتادة وسدي هو القرآن وقال مقاتل ابن حيان بحبل الله أي بأمر الله وطاعته انتهى كلامه يعني البغوي Et Mujahid, hein, qui était un élève de Abdullah ibn Abbas, qui est mort en 104 de l'Hégire, ainsi que Ata ibn Abi Rabah, qui est mort en 114 de l'Hégire, ont dit le Habl, c'est l'engagement envers Allah. Et Qatada, lui qui est mort en 118 de l'Hégire, et Asuddi, c'est Ismail ibn Abdurrahman, qui est mort lui en 128 de l'Hégire, ont dit Al-Habl, c'est le Coran. Et Muqatil ibn Hayyan a dit, lui, c'est l'ordre d'Allah et l'obéissance à lui. Comme a rapporté donc Al-Barawi dans son tafsir. Donc, on va garder le mot Habl en arabe durant cette assise, Inch'Allah ou Ta'ala. Et maintenant, vous avez tous en tête qu'est-ce que veut dire le mot Habl ou à quoi il fait référence. Hein? Donc on va, Inch'Allah ou Ta'ala, traduire une assise qu'a eue le noble Sheikh Al-Allama. Sheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, Hafidhahullahu Ta'ala. Une assise qu'il a donnée sur le sujet de l'amour en Allah et du fait de se cramponner au habl d'Allah Azza wa Jal. Donc il dit, حفظه الله تعالى وفي هذا اللقاء أحب أن أتكلم معكم بأمرين هامين جدا أحدهما الحث على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني الحث على التآخي في الله والتحاب فيه. Donc le Shir, il nous dit, durant cette rencontre, j'aimerais discuter avec vous de deux sujets très importants. Le premier, c'est l'encouragement à se cramponner au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième de ces choses, c'est l'encouragement au lien fraternel en Allah et à l'entente et l'harmonie pour lui. سبحانه وتعالى وهما أمران ضروريان لقيام دعوة الله تبارك وتعالى. Et nous dit le Shir, ces deux choses sont indispensables pour établir la prédication dans la voie d'Allah سبحانه وتعالى. أما الأمر الأول فقد وردت فيه آيات كثيرة تحث على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب واتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والاعتصام بحبل الله والاستمساك به. Il nous dit le Cheikh, quant à la première de ces choses, il a été révélé beaucoup de versets dans lesquels se trouve un encouragement à l'obéissance d'Allah et à l'obéissance de son messager sallallahu alayhi wa sallam, au suivi du Coran et au suivi de du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'au fait de se cramponner au habl d'Allah, avec tout ce qui mène à Allah azza wa jal, et à saisir ceci fermement. Wa thani waradat fihi ahadithun kathira. والثاني وردت فيه أحاديث كثيرة تحث على محبة الله وتبين منزلة التحاب في الله منزلة التحاب في الله تبارك وتعالى. Concernant la deuxième de ces choses, de nombreux hadiths ont été rapportés dans lesquels est mentionné l'encouragement à l'amour en Allah et à la clarification du ra de l'entente en Allah Azza wa Jal. وأرجو أن يلقى هذان الأمران من الشباب السلفي في أي مكان أن يلقى غاية الاهتمام وأن يدرك السلفيون في كل مكان أهمية هذين الأمرين. Et donc Cheikh Rabi' حفظه الله تعالى mentionne et dit: j'espère que ces deux sujets soient présentés à la jeunesse salafi en tout lieu, qu'ils soient présentés selon la plus haute importance, et que les salafis en tout lieu saisissent l'importance de ces deux sujets. فَمِمَّا قَالَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْحَثِّ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Et parmi donc les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'encouragement à se cramponner au hable d'Allah azza wa jal, sa parole dans surat Al-Imran au sens approché est: cramponnez-vous tous ensemble au hable d'Allah Azza wa Jal et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Allahu Akbar. Quel verset extraordinaire mentionné ici par Allah Azza wa Jal. Et donc Cheikh Rabi' hafidhahullahu ta'ala mentionne: Amara Allahu hadhihi al-umma an bakrati abiha an ta'tasima bihablihi wa hadha taklifun muhtam يجب على المسلمين أن يقوموا به وأن ينهضوا به جميعا في العقائد وفي العبادات وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الأخلاق وفيما يتعلق بالعقيدة في ذات الله تبارك وتعالى وصفاته وما يتعلق باليوم الآخر وبدايته من البرزخ إلى قيام الساعة إلى ورود الصراط إلى الوقوف في الحساب إلى غير ذلك فهذه يجب أن يستوعبها المسلم وأن تكون هذه الأمور نصب عينيه مستضيئا فيها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il nous dit, Cheikh Rabi', hafidhahullahu ta'ala, Allah a ordonné à cette communauté sans aucune exception de se cramponner à son hable. Et ceci est un ordre inéluctable. Il est donc obligatoire pour les musulmans de le mettre en pratique et de l'accomplir tous ensemble. Que ça soit dans la croyance, que ça soit dans les adorations, que ça soit dans l'ensemble des options prises par les gouverneurs, que ça soit dans les dans l'économie, dans le comportement, dans la croyance liée à Allah, dans son entité subhanahu wa ta'ala et dans ses attributs, ainsi que ce qui est relatif au jour dernier, dès son commencement avec al-barzakh, hein, la vie dans la tombe, jusqu'au passage sur le pont, en passant par les moments, par le moment où il y aura les comptes, etc., etc. Il est donc obligatoire que le musulman assimile toutes ces choses et qu'il comprenne sa grande importance à la lumière du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wala izza, wala sa'ada, wala karama lil umma fi hadhi dunya wal akhira illa bi tanfidhi hadha al amr al wajib wa huwa al i'tisam bi hablillah jami'an wal ibti'ad an al tafarruq. وإذا وجد الإخلاص لله والاستسلام لله رب العالمين والانقياد لله ولكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحصل التفرق لا يمكن أن يحصل. Et Cheikh nous dit, حفظه الله تعالى, il n'y a ni puissance, ni bonheur, ni dignité pour la communauté dans cette dunya et dans l'akhira, excepté dans l'application de ce sujet obligatoire, c'est-à-dire le cramponnement au hable d'Allah tous ensemble, ainsi que l'éloignement de la division. Et si le culte est réservé exclusivement à Allah, et que la soumission soit uniquement vers Allah, le Seigneur de l'univers, et que l'assujettissement soit entièrement pour Allah, son livre et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'est pas possible que la division advienne. وَإِنَّمَا يَحْصُلُ التَّفَرُّقُ وَالْبُعْدُ عَنِ الْاِعْتِسَامِ بِحَبْلِ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ مِنْ اتِّبَاعِ الْهَوَى وَمِنْ عَدَمِ الْاِعْتِسَامِ بِحَبْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وعدم الحبس على ذلك. فإذا حصل التهاون في هذا الأصل العظيم ترتب على ذلك التهاون الشرور الكبيرة في الدنيا والآخرة. Et le Cheikh nous dit, حفظه الله تعالى, mais plutôt la division et l'éloignement du cramponnement au hable d'Allah advient avec le suivi des passions, avec le délaissement au cramponnement du hable d'Allah, ainsi que le manque d'effort dans ce sujet. Par conséquent, si le mépris de ce fondement exceptionnel advient, alors découle de cela des grands maux, M-A-U-X, le pluriel de mal, dans la dunya et dans l'akhira. وَهَذِي الْعَوَاقِبْ الْوَخِيمَةِ مَلْمُوسَةٌ بِأَيْدِ كُلِّ عَاقِلٍ وكل منصف عواقب وخيمة يعيشها المسلمون الآن ونتائج خطيرة لعدم تنفيذ هذا الأمر العظيم وما جرى مجراه من نصوص في الكتاب والسنة ونعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من اتباع الأهواء المؤدية إلى الشتات وإلى التفرق والتمزق وإلى العداوة وإلى البغضاء وليعذ بالله. الشيخ nous dit, حفظه الله تعالى, ces conséquences néfastes sont perçues par toute personne douée de raison. Toute personne juste comprend cela. Des conséquences néfastes que vivent aujourd'hui les musulmans. Il en découle des résultats dangereux dû au fait que ce fondement exceptionnel n'est pas appliqué et dû à l'absence de suivi des textes tirés du Coran et de la Sunna. Et nous recherchons, dit le Shir, la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'égarement, contre le suivi des passions qui conduit à la dispersion, à la division, à la discorde, à l'animosité et à l'hostilité. أمر الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبله في هذه الآية ونهانا عن التفرق. أما الصحابة والقرون المفضلة فقد استجابوا لهذا التوجيه الرباني فاعتصموا بحبل الله وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم في عقائدهم وعبادتهم وجهادهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وفي أخلاقهم وسلوكياتهم تمسكوا بذلك ففازوا وسعدوا وسادوا وفتح الله لهم دنيا فتح الله فتح لهم الشعوب والقلوب بإخلاصهم وصدقهم. Ainsi, Allah Azza wa Jal a ordonné de se cramponner à son habl dans ce verset extraordinaire. Et il nous a interdit la division. Quant aux compagnons et aux générations supérieures, les trois premières générations, ils ont répondu. Ils ont répondu à cette orientation venant du Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc cramponné le habl d'Allah, qui représente le livre d'Allah, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ensemble de leurs affaires, dans leurs croyances, dans leur djihad, dans leur prédication, dans la voie d'Allah azza wa jal, dans leur comportement. Ils se sont accrochés à cela. Alors ils ont réussi. Ils ont été heureux. Ils ont dominé. Et Allah leur a ouvert la dunya. Allah leur a ouvert les pays et le cœur des gens par leur culte exclusivement dédié à Allah et à leur véracité. وتوقفت الفتوحات مع الأسف بسبب الفتنة التي أثارها عبد الله ابن سبا اليهودي ومن تابعه من الحمقى والسفهاء مما أدى إلى قتل الخليفة الرشيد عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم إلى قتل علي رضي الله عنه فلما اجتمعت كلمتهم عاد نشاطهم واستعادوا فتوحتهم. Puis ensuite, les conquêtes islamiques se sont arrêtées dues aux troubles causés par Abdullah ibn Saba, le juif al-Yahoudi, celui qui se faisait passer pour un musulman mais qui a injecté son venin dans la communauté musulmane, et ceux qui l'ont suivi, parmi les sots et les idiots, ce qui a conduit au meurtre du calife bien guidé Uthman ibn Affan, puis ensuite au meurtre de Ali radiallahu anhuma. Puis lorsque leur parole, yani la parole des musulmans, s'est à nouveau unie, ils sont retournés à leurs efforts et ils ont repris les conquêtes. ثُمَّ دَبَّ التَّفَرُّقُ وَالتَّمَزُّقُ فَتَوَقَّفَتْ الْفُتُحَاتِ وَلَا يَزَالُ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّقْصِ وَفِي هُبُوتِ حَتَّى تَكَالَبَتْ وَتَدَاعَتْ عَلَيْهِمْ الْأُمَمْ يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَ عَلَيْكُمُ الْأُمَمْ كَمَا تَدَاعَ الْأَكْلَةُ إِلَى قَسْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ أَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. Puis la division et la discorde s'est répandue, ce qui a causé l'arrêt des conquêtes. Et les musulmans n'ont cessé depuis d'être diminués et de s'effondrer, jusqu'à que les autres communautés se sont ruées et regroupées contre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous, comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. Alors une personne a dit, est-ce que la cause de cela est que nous serons peu nombreux ce jour-là? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce jour-là, vous serez plutôt nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent, c'est-à-dire, comme expliquait l'ulema, c'est-à-dire faible et méprisable. حصل التفرق والنزاع والصراعات في الداخل وكانت النتائج لهذه الصراعات والاختلافات أن تكالبت عليهم الأمم وتداعت عليهم حتى استولوا على معظم العالم الإسلامي ولم ينجو من هذا الاستيلاء إلا بلاد الحرمين وما قاربها وهبت الشعوب تدافع عن أوتانها مع الأسف الشديد وتخلصوا من الاستعمار العسكري ولكن بقي الاستعمار الفكري والمنهجي وهو أخطر من الاستعمار العسكري بقي في هذه الشعوب مع الأسف الشديد ولم تستطع الخلاص من هذا الاستعمار الخبيث Et nous dit Cheikh Rabi, hafidahullah ta'ala, et la division, les désaccords et les dissensions sont arrivés de l'intérieur. Ce qui a résulté du fait que les autres communautés se sont ruées sur les musulmans, à tel point qu'elles se sont accaparées la très grande majorité du monde islamique. Aucun pays n'a échappé à cette colonisation, excepté les deux harams, al-haramain, Médine et Mecca. Et leurs alentours. Les peuples musulmans ont abandonné le fait de défendre leur pays, malheureusement. Et lorsqu'ils ont échappé à la colonisation militaire, la colonisation des pensées et des systèmes est restée. Et cette colonisation-là est beaucoup plus dangereuse que la colonisation militaire. Elle est restée dans ces peuples, malheureusement, et ils n'ont pas été en mesure de se défaire de cette colonisation infâme. وترى الكتاب والصحفيين والمواقع الفضائية تهتف بالديمقراطية ولا يزالون يهتفوا بالقوميات والديمقراطيات وإلى آخره لا يوجد هتاف في أوسط المسلمين إلا القليل اعتصموا بحبل الله عز وجل اعتزوا بكتاب الله هذا لا تسمع حوله إلا أصواتا خافتة وأما الأصوات القوية والمدوية ففي الصحف وفي المجلات وفي غيرها هتافات لا التبعية العمية لأعداء الإسلام Et le shir nous dit, tu vois, certains ou les écrivains et les journalistes et les sites anarchiques vociférer pour appeler à la démocratie et ils ne cessent de vociférer en appelant au nationalisme et à la démocratie et autres. Et il n'y a pas de parole qui s'élève au sein des musulmans pour appeler au cramponnement au hable d'Allah Azza wa Jal et à s'affilier au livre d'Allah excepté quelques personnes. Tu ne l'entends pas ? Excepté des voix qui s'affaiblissent. Quant aux voix fortes et retentissantes dans les journaux, dans les revues et autres, ce sont des vociférations appelant à la soumission aveugle aux ennemis de l'islam. فتراهم يسخرون من الإسلام ويسخرون من القرآن ويسخرون من محمد صلى الله عليه وسلم ووالله لو رجع المسلمون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لاستعادوا هيبتهم ولما استطاع أعداء الإسلام أن يجرؤوا على شيء من هذا الذي يمارسونه الآن. Et le shir nous dit, حفظه الله تعالى, tu les vois se moquer de l'islam, se moquer du Coran, se moquer de Muhammad صلى الله عليه وسلم. Par Allah, si les musulmans reviennent au livre de leur Seigneur, reviennent à la sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors les musulmans auraient repris leur prestige et les ennemis de l'islam n'auraient pas pu arriver à faire une seule chose qu'ils sont en train d'appliquer en ce moment. كل هذا نتائج وخيمة لعدم الاستمساك بحبل الله تبارك وتعالى وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونتيجة للتفرق الشنيع القائم على العقائد الضالة مع الأسف الشديد على الأهواء الجامحة وعلى العداوات والبغضاء ولأجل أن تطهر القلوب وتصفو النفوس لا بد من الاستسلام لله والاعتصام بحبل الله عز وجل والإدراك الواعي لشؤم التفرق الذي حذر الله منه Et le shir nous dit, حفظه الله تعالى, écoutez bien mes frères et mes sœurs, ceci est très important. Tout cela conduit à des conséquences néfastes dues au fait de ne pas saisir le hable d'Allah Azza wa Jal, le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est le résultat de la division abominable présente dans les croyances égarées, dans les passions irraisonnées et dans les différentes animosités et malveillances qu'on peut trouver. Et afin de purifier les cœurs et afin d'épurer les âmes, il est obligatoire de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à se cramponner fermement à son habl et à prendre conscience de la calamité, de la division contre laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. فَإِذَا تَرَكُوا هَذِي التَّحَزُّبَاتِ وَهَذِي التَّشَيُّعَاتِ وَهَذِي الْأَهْوَاءَ الْجَامِحَةِ واستسلموا لأمر الله وانقادوا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عادت لهم مكانتهم وعادت هيبتهم وذهبت عنهم هذه الغفائية القاتلة ولا مخلص لهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما والحض عليهما بالنواجذ كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et si ils avaient délaissé, si les musulmans avaient délaissé ce sectarisme, ces systèmes partisans, ces passions irraisonnées, et qu'ils se seraient soumis pleinement à l'ordre d'Allah, à son livre et à la sunna de son messager, alors les musulmans auraient retrouvé leur rang et leur prestige. Et donc il n'y a pas de solution excepté dans le retour au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et au cramponnement dans ces deux choses et au fait d'y mordre avec ses molaires comme nous a exhorté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ici le shirk fait bien sûr référence au hadith al-Irbad que vous connaissez tous: alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai al-rashidin المهديين تمسك بها وعد عليها بالنواجذ. Mordez-y à cette sunna avec vos molaires. Les molaires, ce sont ces dents les plus fortes, les plus grosses dans la bouche, avec laquelle on tient fortement. Donc on doit mordre à cette sunna, la sunna du prophète et des califes bien guidés, sans lâcher prise. Et le shir dit: هذه إشارات ولمحات من القضية الأولى وهي تحتاج إلى تفاصيل طويلة إلى تفاصيل طويلة ليس هذا محلها الآن. Et donc il nous dit le shir, ceci ce sont des indications et des orientations concernant la première affaire, le premier sujet, qui est le fait de se cramponner fermement au habl d'Allah Azza wa Jal, et ce sujet, nous dit le shir, a besoin d'un grand développement qui malheureusement ce n'est pas le moment n'est pas propice à cela. Et avec ça le shir donc termine le premier de ces fondements exceptionnels et il commencera on traduira le deuxième de ces fondements, qui est l'amour en Allah et l'entente et l'harmonie en Allah subhanahu wa ta'ala, la semaine prochaine dans une deuxième assise bihawlillahi subhanahu wa ta'ala. Fa jazakumullahu khairan, mes frères et mes sœurs, barakallahu fikum à nos frères du Merkez Al-Furqan, et on se retrouve inshallah ta'ala mercredi prochain pour terminer la traduction de cette conférence donnée par فضيلة الشيخ العلامة شيخ ربيع ابن هادي المدخلي رحمه حفظه الله تعالى. فجزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.